C. Ici, les démarches se font lentement. L'agence de communication se trouve sur le boulevard des Cerisiers. Il m'a répondu froidement. Il t'a expliqué le fonctionnement de cette administration ? Je vais demander le renouvellement de mon permis de conduire. Vous allez retirer de l'argent ?